Bonjour, je m'appelle Maya Jarville, je suis metteuse en scène de la compagnie La Ligne. Avec la compagnie, on travaille en ce moment sur un projet de création théâtrale documentaire sur, attention, je mets des guillemets, sur les enjeux de la transition écologique en Ardèche. Oui, c'est un vaste sujet et c'est à l'origine du projet une volonté du Parc naturel régional des Monts d'Ardèche de questionner ce sujet à l'échelle de notre territoire. Avec l'idée que face à ces grandes questions globales, il pourrait peut-être y avoir des réponses locales. Alors cette année, nous partons en résidence dans différentes communautés de communes pour rencontrer, échanger, discuter, essayer de comprendre comment se vivent ces réalités, et notamment dans la communauté de communes du Valérieux. Ce que vous allez entendre maintenant est un montage sonore réalisé par Claire Lauzon, un portrait collectif créé en 2 jours pendant le temps de l'Estival, le festival de spectacles vivants de Valérieux au Chélard. Nous sommes venus poser nos micros au cœur du festival. Nous y avons rencontré des habitants, mais aussi des touristes, des gens de passage, des spectateurs et des artistes. Voilà quelques-unes de leurs paroles pour le projet « Il n'est pas trop tard puisqu'on est là ». Oh, vive la paix, hein. Ça fait du bien d'entendre que les petits oiseaux le matin, le soir, l'hérisson dans la cour, voilà, les aigles qui volent au-dessus, et ben c'est beau, je me dis au moins on est en paix, on a des bruits dits normaux. Moi j'aimerais bien qu'on essaye d'aller dans des endroits où on reprend de la puissance et où justement on retrouve une échelle humaine où on a l'impression d'être... Je sais pas, j'ai l'impression qu'à Marseille on n'est pas en accord avec ce qui s'y passe et du coup ça crée une certaine frustration et si on repartait comme l'envie que j'ai de venir dans des plus petites villes, dans des endroits plus nature, dans... on aurait plus d'action parce que ça serait à une échelle plus humaine et plus... tu vois, qui respecte mieux nos valeurs. Tu vois, le Chélard, par exemple, je suis sûre que t'as moins d'incohérences et puis peut-être que les gens y prennent plus soin à leur environnement. Ici, on a toujours une oreille au Chélard. On est bien desservi, en fait. Je ne sais pas ce qui manque, mais c'est presque parfait. Ça t'immerge dans un truc qui est plus sain, et d'un coup, ça soulage. Ça me donne envie de faire des projets, et ça me conforte dans l'idée de vouloir m'installer dans ce genre d'environnement-là. Et d'avoir des enfants. Que c'est bien, c'est calme. On est tranquille, à part chez papa, parce que quand même, il y a la route juste à côté, on entend toutes les 5 minutes. Et c'est pas facile, parce que, en fait, normalement, il est censé faire un peu plus froid l'hiver, mais tous les ans, là, on perd beaucoup de on gagne beaucoup de chaleur. Je crois qu'il y a un terme qui a été inventé par je sais plus qui pour définir ce truc. C'est l'anthropocène, je crois, il me semble. En gros, c'est l'humain qui prend le dessus sur tout, le vivant. Changement climatique, je vois pas trop. Moi, ça me fait penser aux glaciers qu'on risque peut-être de ne plus connaître. Ça me fait penser à la montée des eaux, ça me fait penser à des étés meurtriers, comme il se passe en ce moment en Turquie, en Grèce, ou à d'autres endroits à travers le monde où on voit littéralement des bouts de monde partir en flammes. La première chose que ça m'évoque, c'est un drame personnel, un manque terrible, que je sais qu'il ne sera plus jamais comblé, c'est la neige et l'hiver. Il y avait une saison pendant laquelle, pendant 3 mois, tout disparaissait. Les routes disparaissaient, les barbelés disparaissaient. En fait, à un moment, le paysage s'unifiait. Il s'apaisait, il y avait un calme comme ça qui se posait sur la campagne. Donc je pouvais prendre mes chaussures et je pouvais marcher 7 ou 8 kilomètres en ligne droite sans me poser la question des obstacles, des frontières, des limites, des choses comme ça. Et je sais que quelle que soit l'action que j'engage, personnellement, individuellement ou collectivement, c'est quelque chose que je ne reverrai jamais. On déteste de plus en plus l'été. Ce qui était très attendu avant devient un peu ce qu'on redoute. Au niveau de la mer aussi. Au niveau de la mer, ouais, la température de l'eau. C'est vrai qu'il y a de plus en plus chaud de ça. On s'en rend compte depuis 10 ans. Moi, je me rends vraiment compte. Elle augmente constamment chaque année sur un plus long terme. Quoi. Ouais. C'est impressionnant. Quoi. Moi, ça me fait peur. C'est plus le côté où très peu de gens se rendent compte de la vitesse à laquelle ça va. On va arriver à des seuils dont on fait le point qu'on a tout simplement jamais, que la Terre n'a jamais connu, et encore moins lorsque l'homme y habite. Il y a une explication bête au dérèglement climatique. Il y a une explication très simple, très simpliste, qui vient de l'émergence de ces choses-là. C'est-à-dire que c'est à partir du travail dans les champs, à partir du moment où on fait autre chose que chercher à se nourrir, à partir où on cherche à se nourrir spirituellement, enfin je veux dire ou esthétiquement ou artistiquement, en façonnant des livres, en façonnant des œuvres, en façonnant des instruments de musique, on participe aussi à la construction de tout cet univers qui a déréglé le climat. Pour conserver un Stradivarius depuis le XVIIe siècle, il a fallu faire des maisons, il a fallu chauffer ces maisons. Voilà. Et je ne sais pas comment on peut, ensemble, pour faire des choses qui sont intéressantes collectivement et qui grandissent l'humain au-delà de lui-même et qui n'altèrent pas le monde dans lequel ces choses-là adviennent. Je pense que ça soulève une certaine peur. Quelque chose de grave. C'est d'essayer de trouver le juste milieu aussi entre s'informer pour pas être dans le déni, pour savoir ce qu'il en est, et en même temps pas trop s'informer pour pas être en dépression permanente. Ouais, quand il y avait la dissolution des soulèvements de la terre et tout ça, ça m'a retourné. J'étais très très stressée. Il y a des choses qui sont paralysantes, notamment parce qu'on se rend compte, en regardant les nouvelles jour après jour, qu'il y a une minorité de gens qui tirent faveur de cette situation telle qu'elle est et qui ne comptent pas changer ça. Quand on sait quelle est la gravité de la situation, quand on sait quelle est l'urgence et quand on voit comment ça avance pas, eh ben oui, ça c'est paralysant. Et il y a une sorte d'instrumentalisation d'une écologie qui se veut acceptable, qui est le consensus de tout le monde, c'est-à-dire valoriser les gestes individuels et ne pas repenser profondément notre système démocratique, politique tel qu'il est aujourd'hui et qui nous empêche vraiment d'aller vers cette transition-là qui doit être, pour moi, radicale. Il y a un autre monde à penser. Donc sur toutes ces grandes causes, qu'elles soient locales ou nationales, il y a une répression policière quasi illimitée qui se renforce d'année en année et il y a des gens qui sont éborgnés, il y a des gens qui sont mutilés et où ça se fait sans cligner des yeux, accompagné d'une technologisation à outrance. Je sais que là maintenant Paris pour les JO, il y avait de la reconnaissance faciale automatique dans les métros, dans les gares, dans les stations. Et donc on va vers quelque part une forme de militarisation pour garder absolument ces intérêts-là qui rentrent maintenant en confrontation avec les intérêts même du vivant. J'arrive pas à retrouver... J'arrive plus à rire, on va dire. Il y a quelque chose qui me manque, là. Il y a quelque chose qui... Peu à peu, la mélancolie prend le dessus. Voilà, avec tous ces aspects un peu tristes, un peu aigris, voilà. Et au final, de faire des petites actions sur nos petites vies, ça permet au moins de reprendre un peu d'être acteur sur ce qu'on peut maîtriser à petite échelle au moins. Mais il y a des mobilisations qui se font, même si elles sont déclarées illégales, qui y a une sorte de résistance de la jeunesse, de même intergénérationnelle, qui est en train de s'éveiller, qui est en train de prendre place sur les territoires. Dans ce territoire-là, je vois bien que j'ai tissé un réseau, un maillage de connaissances qui sont toujours un peu à côté. Puis j'ai entendu une belle expression qui dit en anglais, quand on dit travailler au black, on dit walk on the side, c'est-à-dire un peu en parallèle. Et là, je retrouve la même chose dans la Drôme. Je retrouve tout un réseau de gens où je suis en parallèle des viticulteurs, des agriculteurs, des constructeurs, des mécaniciens même. Le mécanicien du village, finalement, m'a trouvé un arrangement et quand j'ai besoin de quelque chose pour ma voiture, il me permet d'utiliser son pont et je le paye en confiture et en pot de pickles. Ben, je dirais que j'apporte un peu du fun aussi par rapport à ce qu'on fait avec les assos des copains, quoi. On organise des événements et on apporte des trucs en Lozère qui n'existaient pas avant de manière permanente, enfin, en dehors de la saisonnalité, enfin, de l'été, quoi. Mais je crois que moi, à mon échelle, ouais, ça m'importe et qu'il y a des petites choses à mettre en place qui sont assez dérisoires au final à l'échelle mondial, mais quoi, après moi je me dis que j'aurais fait ma part, quoi. C'est un terme large en plus qui peut regrouper pas que l'écologie par rapport à la nature, mais l'écologie intérieure, la façon de vivre entre nous aussi. Et faire en sorte que on éclaire, quoi, qu'on sorte de l'obscurité. Voilà, c'est ma question. Comment je peux faire quelque chose à ce niveau-là ? J'aimerais bien vivre dans un monde où on se voit, on s'inquiète de ce qui nous entoure, on se soucie de ce qui nous entoure. Que ce soit l'insecte ou le voisin ou le renard dans la forêt. Ou... soucier de son voisin, mais aussi celui, l'arrivant, l'étranger, le réfugié. On est forcément concerné parce que du moment où on vit dans un territoire, on a un impact dessus. Peut-être que du coup, pour commencer, en tout cas en ce qui me concerne, l'urgence, ce serait de ne pas être dans l'urgence, sinon je commence à m'affoler et à ne pas faire les bons choix. Vers quel monde on veut aller, en fait, et que ce soit décidé de façon collective. Pour savoir vers quoi on fait la transition, en fait, et quel avenir est souhaitable pour tout le monde. Ouais, faire appel à l'intelligence collective, au jeune cerveau qui arrive. Exactement, au jeune cerveau qui arrive. on a la lisière en fait. On n'a pas justement basculé, on est dans la lisière, la falaise est là, il y a une grande envie de se lancer et en même temps aussi une peur de ce que ça va impliquer. Ça passe pour moi par une convergence de toutes les luttes quoi. Les sujets ils se recoupent quoi. S'il y a une chose fondamentale dont je me dis une cause à laquelle je pourrais adhérer corps et âme complètement, ce serait de se poser la question de la notation à l'école et de supprimer toute notation à l'école pour que les enfants, dès leur plus jeune âge, ils apprennent pas à se noter et à se valoriser, à dire « toi, t'es meilleur que moi ». Et je me dis, à partir de là, on pourrait peut-être construire ce qu'on appelle une révolution si vraiment les gens, en sortant de l'école, ils n'avaient pas le sentiment que il y en a qui sont meilleurs que d'autres. On est toutes hyper intéressants, quoi. Merci pour votre écoute. Vous venez d'entendre un montage sonore réalisé par Claire Lauzon pour le projet « Il n'est pas trop tard puisqu'on est là » de la compagnie La Ligne. Merci à tous ceux qui ont accepté de répondre à nos questions saugrenues. Merci à toute l'organisation du festival L'Estival au Chélard, à la Radio des Boutières, à la communauté de communes de Valérieux et au Parc naturel régional des Monts d'Ardèche. Vous pouvez en savoir plus sur la suite de ce projet en suivant les activités de la compagnie, en vous inscrivant par exemple à la newsletter de la compagnie sur le site www.compagnielaligne.com.